Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Coquille Saint-Jacques, si à l'évocation de ce nom, ce sont d'abord des souvenirs de plats raffinés qui vous viennent en tête, c'est que vous n'avez jamais rencontré Laurent Chauveau. Ce scientifique étudie ces mollusques depuis plus de 20 ans. Avec ses collègues, il a démontré que leurs coquilles enregistraient des informations précieuses sur leur environnement. Température, courant marin, pollution, les coquilles Saint-Jacques sont de véritables machines à remonter le temps. Si vous en croisez une sur votre table pendant les fêtes, vous la regarderez d'un œil nouveau après avoir entendu notre invité Laurent Chauveau. Un nouveau satellite en orbite pour mesurer la taille des exoplanètes et un bilan sur la décontamination des sols à Fukushima. Voici deux des thèmes que nous aborderons vers 15h45 dans la revue d'actu avec Mathilde Fontaise et Sophie Bécherel. En deuxième heure, nous partirons à la découverte de l'étonnante faune sauvage que l'on peut croiser dans les villes du monde entier. Nous aurons pour guide un architecte passionné de nature, Nicolas Gilsoul. Et en toute fin d'émission, nous irons sur les traces du loup dans les Alpes et le Jura, en compagnie du réalisateur Jean-Michel Bertrand. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Nous sommes au bord du Genaël Christine. Le patron est à mes côtés. J'aimerais que vous nous expliquiez comment se passe la pêche à la coquille Saint-Jacques. Vous avez lancé une drague qui est actuellement derrière nous. Et pendant combien de temps va-t-elle rester au fond de l'eau ? Une dizaine de minutes environ, ça dépend des endroits, 10, 15 minutes. Et combien fait-elle d'ouverture la drague ? 25, 30 cm d'ouverture et muni d'un couteau, d'une lame, fait 1m80. Le temps a été favorable, il n'a pas gelé à moins 10 degrés comme certains jours d'hiver, où les mains s'engourdissent à remonter la drague. Ce jour-là, le Genaël Christine, à bord duquel nous nous trouvions, a dragué 32 kg de ses fruits de mer dont beaucoup partiront vers la capitale. Car nombreux sont ceux qui apprécient le goût de ces délicieux mollusques. Un extrait de Bretagne Actualité daté de 1965. Bonjour Laurent Chauveau. Bonjour. Vous êtes biologiste, directeur de recherche au CNRS et vous venez de publier La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan aux éditions Équateur. L'archive que nous venons d'entendre, je le disais, date de 1965. La pêche à la coquille Saint-Jacques a-t-elle beaucoup changé depuis cette époque ? Fondamentalement non. On continue à utiliser des engins traînants, des dragues. Peut-être que la puissance des moteurs a légèrement changé et nos capacités à la capturer ont légèrement augmenté, mais fondamentalement les techniques sont les mêmes et peut-être que même l'accent du pêcheur est le même. Alors le reporter évoquait des années de pêche à la coquille Saint-Jacques où il avait fait particulièrement froid. Il faut dire que 2 ans auparavant, en 1963, il y a eu un hiver particulièrement rude qui a touché la France et particulièrement la rade de Brest. Oui, on a oublié ce fait complètement marquant pour l'écologie de la pointe de la Bretagne. À la fin de l'hiver 62-63, il a fait froid, un vent sibérien a soufflé sur la Bretagne pendant quelques semaines et in fine, la rade de Brest, une partie du Légué, de la baie de Saint-Brieuc, le port de Roscoff, présentait une banquise. Il était possible de traverser le Légué à pied. Ouais, il a fait réellement froid en Bretagne et pas mal d'animaux n'ont pas apprécié du tout. C'est le cas du poulpe et de la coquille Saint-Jacques. Ouais, la coquille Saint-Jacques a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre de ce coup de froid. En fait, quand on parle des coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest, le stock était déjà à l'état de surpêche, il était déjà fragilisé et ce coup de froid a été le coup de grâce. Ouais. Mmh. Et on a effondré un stock, on est passé de 2000 tonnes à 200 tonnes pêchées chaque année. Et c'est là qu'interviennent les scientifiques qui, aux côtés des pêcheurs, se sont lancés dans une opération de repeuplement. Exactement. L'idée sous-jacente à ça, c'était finalement... Peut-être observons-nous le fait que, comme dans le cas de la morue, bien connu maintenant, le nombre de géniteurs est insuffisant et il faut remonter un stock de géniteurs à un niveau tel que la reproduction va devenir à nouveau possible. La question qui était posée, c'est peut-on expliquer pourquoi le stock de coquilles Saint-Jacques reste à un niveau relictuel depuis 15 ans, 20 ans, oui, quand on est au début des années 70-80, quoi. Oui, c'est ça. Et même jusque dans les années 90, parce que vous intervenez justement au début des années 90, vous allez effectuer votre thèse sur les coquilles Saint-Jacques. Quelle est la question précise à laquelle vous vous intéressez ? Alors moi, j'ai eu un titre de thèse qui est complètement farfelu, parce que, comme tous les thésards en écologie ou en sciences en général, on vous propose des sujets complètement fous. Et moi, j'avais à ma charge la description, alors je vais vous donner le titre exact, la dynamique des fixations post-larvaires de la coquille Saint-Jacques, de ses compétiteurs et de ses prédateurs. Et dit dans un français plus correct, est-ce que la coquille Saint-Jacques réussit à se fixer, à quitter la vie larvaire et à choisir un sédiment de façon normale en rade de Brest? Ouais, parce que, alors c'est l'occasion de le rappeler, parce que on les connaît surtout dans notre assiette, hein, pour la plupart d'entre nous, ces coquilles Saint-Jacques, mais elles ont un cycle de vie assez complexe, c'est-à-dire qu'elles ne vivent pas toujours sous forme de mollusques enserrés dans ces deux valves, ces deux coquilles. Elles ont un état larvaire où elles se baladent avant de se fixer. Ouais, c'est un animal assez commun avec quelques petites particularités. Par exemple, elle est hermaphrodite, légèrement protante, c'est-à-dire d'abord mâle puis femelle. Et puis, cet animal produit des gamètes. Il va émettre ses gamètes dans l'eau, des spermatozoïdes et des ovocytes. Il va y avoir fécondation dans l'eau, développement d'une larve qui va être nageuse. Ça va durer 3 semaines, 1 mois. Et 1 mois plus tard, apparaît une métamorphose, comme un papillon va avoir cette étape de métamorphose. La métamorphose oblige la coquille Saint-Jacques à quitter la vie pélagique, la vie dans l'eau, et à choisir un sédiment, et elle va rester le reste de sa vie dans le sédiment, ou posée sur le sédiment. Ouais. Quoi qu'elle peut encore un peu nager pour échapper, notamment le terrible prédateur des coquilles Saint-Jacques, c'est une étoile de mer, et pour essayer d'échapper, elle peut nager un petit peu et se diriger même. Hein. Oui, c'est une observation assez fantastique, parce que c'est un animal qui est assez lourd, qui est quand même assez volumineux. Quand vous l'avez dans votre assiette, vous voyez bien que quand vous le préparez, c'est quelque chose de pesant, et finalement qui réussit à nager de façon assez gracieuse. Hein. Et, comment ça nage alors? Alors, ce muscle énorme que vous mangez, là, permet à l'animal de battre comme le fait un soufflet, de ramener les deux valves de façon assez violente l'une vers l'autre. Et finalement, une coquille Saint-Jacques avale de l'eau et propulse cette eau derrière elle. Ce qu'on appelle les deux valves, quand on est scientifique, ce sont pour nous les deux coquilles, hein, deux morceaux de la coquille. Les deux morceaux de la coquille, ça s'appelle les deux valves. Ouais. Et donc, c'est le mouvement de ces deux valves avec un jeu un peu complexe du manteau, c'est-à-dire cette espèce de structure que vous voyez jolie avec des tentacules qui dépassent et qui portent les yeux de la coquille Saint-Jacques. Ce truc-là est manipulé comme un parapente avec des ficelles, avec quelques muscles qui lui permettent de modifier la géométrie de ce truc-là et de finalement choisir une nage à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. Vous en parlez vraiment avec passion, hein, on le voit, vous êtes passionné depuis que vous travaillez sur cet animal. Vous venez de citer les yeux de la coquille Saint-Jacques. Vous ne les avez pas dénombrés, mais ils sont incroyablement nombreux, les yeux de la coquille Saint-Jacques. Oui, quelques dizaines. Hein. C'est l'animal qui a des yeux bleus. Et alors, pour un biologiste, c'est assez étonnant parce que ces yeux sont avec une structure complexe de miroirs empilés. Bon, l'évolution a pas gardé ce mode de vision, mais il est assez élaboré. Et une coquille Saint-Jacques voit plutôt bien et avec un système complexe de vision. Ouais. Alors vous allez vous prendre de passion pour cet animal et vous allez faire des découvertes assez incroyables. D'abord, il y a cette idée que la coquille Saint-Jacques enregistre le temps qui passe. Ce sont de véritables calendriers. Expliquez-nous comment vous avez découvert ça. J'ai un orgueil modeste là-dessus parce que c'est vraiment une découverte collective. Une découverte collective et surtout une découverte fortuite. Je n'avais pas planifié du tout qu'on allait découvrir comme ça. Comme souvent. Hein. Voilà. On n'est pas loin de l'histoire de la tarte tatin, vous allez voir. finalement, une coquille Saint-Jacques, ça se comporte comme un arbre, ou vous pouvez le considérer comme un arbre dans la mer. Des marques annuelles apparaissent chaque hiver et il est assez aisé de déterminer son âge en comptant ces marques annuelles. Les stries, comme quand on le fait lorsqu'on coupe un arbre et que l'on compte les cernes. C'est exactement le même principe. Bon. Et de façon fortuite, il est apparu au cours de l'été 1995 une marque hivernale au cours de l'été. Ouais. Et cette curiosité, évidemment, une marque hivernale au cours de l'été, c'est quelque chose à creuser quand on est écologiste et qu'on est en train de faire sa thèse sur la coquille Saint-Jacques. Et le fait d'observer sous une loupe binoculaire cette marque m'a permis, par le comptage, je vais faire un résumé d'un petit 2 ou 3 mois de travail, on a démontré assez vite que apparaissaient finalement des petites stries ou des petites vaguelettes à la surface de cette coquille et que ces vaguelettes étaient déposées à un rythme journalier. Autrement dit, elle empile comme ça ses stries jour après jour et l'on peut encore les délimiter bien longtemps après. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 6 000 ans plus tard, si vous récupérez une coquille Saint-Jacques qui était dans une sépulture néolithique, vous êtes capable de rétro-calculer et de compter le nombre de micro-sillons qu'elle a déposés il y a 6 000 ans. Et si vous êtes capable de dire ces microsillons sont fabriqués à une échelle journalière. Vous accédez à une information qui est incroyable pour un écologiste, qui est la croissance journalière d'un animal qui vit au fond de la mer, entre 5 et 200 mètres de profondeur. C'est le début d'une piste. On va voir, ça va vous emmener très très loin, hein, dans tous les sens du terme, aussi bien scientifique que géographique. Avec quoi elle produit sa coquille, la coquille Saint-Jacques? Imaginez-vous avec un imper ou un manteau, et essayez d'imaginer que votre manteau fabrique à l'extérieur, vers le milieu extérieur, avec du carbonate de calcium, un squelette externe. Mmh. Donc cette coquille Saint-Jacques, grâce à son manteau qui l'emballe, fabrique jour après jour ce squelette. Qui l'emballe, mais sous la coquille. C'est-à-dire, d'ailleurs, vous donnez une image assez parlante, elle fait dépasser de la coquille son manteau, un peu comme on tire la langue, et puis c'est avec ce bout de manteau qui dépasse qu'elle fabrique le un bord de la coquille. Un petit peu plus loin, voilà, c'est par accrétion, une coquille un tout petit peu plus grande que la veille. Ouais. Alors les organes de la coquille Saint-Jacques sont assez merveilleux, c'est une optimisation pas croyable, c'est-à-dire que chaque organe a plusieurs fonctions, c'est le cas du manteau qui a plein de fonctions. Oui, qui va porter les tentacules, donc qui est capable de sentir, qui est capable de goûter l'eau de mer, de ses propriétés chimiques, qui est capable de porter les yeux, qui est capable de gérer la nage, qui est capable de sécréter la coquille. Vous voyez, on est déjà à 5 fonctions. Oui, c'est ça. Et puis il y a le muscle. Le muscle, en fait, c'est ce qu'on mange. Oui. La noix de Saint-Jacques, c'est ce fameux muscle adducteur qui lui permet d'ouvrir et de refermer ces deux coquilles. Et ce muscle sert aussi à stocker du sucre. Alors, elle ne produit pas de graisse, si j'ai bien compris, mais elle stocke l'énergie sous forme de sucre. Elle a besoin de passer l'hiver. Il va y avoir, même en Bretagne, même si ses eaux sont extrêmement riches et très colorées dans les couleurs vertes à cause du phytoplancton, elle a besoin de stocker de l'énergie et elle le fait dans son muscle. Là où vous mettez des sucres et du glycogène dans votre foie, la coquille Saint-Jacques a choisi de le mettre dans son muscle, ce qui donne à ce muscle son goût sucré, ce qui donne sa couleur quand vous le faites dorer dans le beurre et ce qui donne un petit aspect caramélisé. Ouais, c'est ça. Vous commencez à nous mettre l'eau à la bouche. Alors, vous précisez d'ailleurs, puisqu'on est dans les considérations culinaires dans votre livre, qu'il faut se méfier quand on voit sur les emballages l'inscription « noix de Saint-Jacques ». Ce ne sont pas forcément des muscles qui proviennent de coquilles Saint-Jacques. Ah non, une énorme part de ce que mangent les Français sont des coquilles Saint-Jacques importées. Une partie assez importante maintenant vient de l'aquaculture asiatique. Mais des coquilles Saint-Jacques arrivent du Pérou, du Chili, d'Islande. Mm-hmm. Et nos amis québécois nous vendent le pétoncle géant du Canada sous l'appellation, grâce à quelques accords commerciaux, sous l'appellation coquille Saint-Jacques. Mm-hmm. Pour peu qu'elles soient emballées en Bretagne, elle a en plus un petit drapeau breton qui traverse l'emballage. Et il n'y a pas moyen de s'y retrouver alors? Il n'y a pas d'indications qui peuvent nous faire la différence entre une noix de Saint-Jacques, vraiment de Saint-Jacques, et une noix de Saint-Jacques issue de pétoncle? Eh bien voilà une très bonne question parce que vous êtes obligé d'aimer le latin et de revenir à vos classiques. Il faut apprendre le nom latin de la coquille Saint-Jacques. Elle s'appelle Pecten Maximus et essayer de mémoriser ce nom. Ça figure sur l'emballage. Coquille Saint-Jacques égale Pecten Maximus. Pecten, c'est en latin le mot peigne. Et avant l'apparition du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, les coquilles Saint-Jacques en français s'appelaient des peignes. Mmh. Ouais. Donc elle porte encore en latin son ancien nom français. Voilà, ça fait le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Pecten Maximus, c'est une bonne motivation pour manger de vraies noix de coquille Saint-Jacques. Allez, quittons la table et revenons aux recherches sur la coquille. Vous nous l'avez dit, elle marque le temps qui passe. Plus surprenant encore, elle enregistre les températures. De quelle manière ? Alors, une fois qu'on a admis cette idée de calendrier, que cet animal fabrique une pâtisserie tous les jours, il y a une idée qui apparaît en Norvège dans des situations assez amusantes. C'est-à-dire que vous étiez en Norvège sur le terrain, et c'est à ce moment-là que vous faites encore cette découverte par hasard. Arrive cette idée de, finalement, évidemment, je peux étudier l'accroissement et les variations de cette croissance, mais pourquoi pas étudier la composition chimique de chaque incrément. Mmh. Et l'idée de l'utilisation des isotopes stables de l'oxygène, donc la coquille Saint-Jacques, elle a un squelette en carbonate de calcium, donc elle contient de l'oxygène, et on s'est attaché à décrire les variations de quelques isotopes, dit plus simplement de la composition chimique de la coquille Saint-Jacques, et il se trouve que cette composition chimique, quand on a l'œil rivé sur l'oxygène, varie de façon linéaire, de façon parfaite avec la température. avec la composition chimique de la coquille Saint-Jacques, je peux avoir la température qu'il a fait au moment où cette coquille a été produite, mais avec une précision incroyable. Une précision qui avoisine les 0,3 degrés, ou si vous êtes vraiment malhabile, 0,5 degrés. Quand l'animal vit dans des écosystèmes où la température varie de 10 degrés sur une saison, vous voyez que cette précision de 0,3 degrés, elle est hallucinante. Alors elle enregistre la température, elle enregistre le temps qui passe, ce qui est pratique, parce qu'on peut avoir à tel jour précis, il faisait telle température à 0,3 degrés près. Elle enregistre aussi, ça aussi, ce sont des découvertes que vous avez faites avec votre équipe, elle enregistre la pollution à laquelle elle a été confrontée. Oui. L'idée vient une nouvelle fois de façon complètement chanceuse et fortuite quand le pétrole commence à fuir du navire Erika. Mm-hmm. Ce pétrole contient quelques métaux lourds et il contient du vanadium et on retrouve au jour près, on retrace la présence de pétrole dans le voisinage de Coquille Saint-Jacques en étudiant la composition chimique et en mettant un œil sur le vanadium. Ouais. Plus proche de nous, quand vous allez à l'hôpital et que vous subissez, enfin, quand vous faites un examen de type IRM, il vous faut, sur certains examens, un contrastant pour que l'image soit exploitable pour le corps médical. Ce contrastant, il utilise du gadolinium et le gadolinium est enregistré dans les Coquilles Saint-Jacques de la rade de Brest à 40 mètres de profondeur, vous avez l'histoire de notre contamination au gadolinium, des IRM bretonnes, si vous voulez, enregistrées dans cet écosystème. Alors on va voir à quoi cet outil peut servir. Une fois qu'on a compris ça, c'est évidemment très utile pour les scientifiques. Vous les avez étudiés, ces coquilles Saint-Jacques, sous toutes les coutures, et vous les avez même enregistrées. Là, c'est un son. Vous allez nous dire ce que l'on entend. Alors, c'est une coquille Saint-Jacques qui voilà, c'est une coquille Saint-Jacques. Ce son-là est enregistré avec mes collègues de l'ENSTA à Brest. C'est une coquille Saint-Jacques qui se ferme brutalement. Et en se fermant brutalement, en fermant grâce à son muscle adducteur ses deux valves, l'eau sortant de l'animal fait ce bruit de souffle. Ouais, ce souffle est en fait une évacuation brutale de l'eau qu'elle contient entre ces deux valves. Mmh. Ouais. Au son, on peut voir, on peut entendre plus précisément si cette coquille Saint-Jacques est en bonne santé ou pas. Alors, au son, on détecte la présence d'algues toxiques, on détecte des hypoxies ou des anoxies. Si la concentration en oxygène dans l'eau de mer vient à diminuer, alors la coquille Saint-Jacques, ce serait votre cas, si l'oxygène diminue dans cette pièce, vous allez avoir un rythme respiratoire qui va changer. Ouais. Ensuite, si elle est en train de nager ou en train de s'enfouir à nouveau ou en train de s'enfuir, alors vous entendez assez clairement des différences sonores. Elle est en bonne santé, celle que l'on entend. Et elle est en bonne santé, celle-là, oui. Allez, votre passion pour les coquilles Saint-Jacques vous a fait voyager. Vous êtes allé jusqu'en Antarctique. Pourtant, il n'y a pas de coquilles Saint-Jacques là-bas. Vous allez nous expliquer tout ça. Le biologiste Laurent Chauveau met les Saint-Jacques au menu du vent dans les synapses. De quoi peut-être alimenter les discussions autour de la table pendant les fêtes. To tell you the truth. Cigarette After Sex, Touch dans du vent dans les synapses, avec à la technique aujourd'hui Louis Audebert et Jérémy Guillon. France Inter, du vent dans les synapses. Il est bon, je crois, de conter ici la légende de la coquille Saint-Jacques. Au Moyen-Âge, donc, les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compostelle portaient accrochée au cou une coquille avec laquelle, lorsqu'ils s'arrêtaient, ils buvaient l'eau des sources ou des fontaines. De là est venu le nom de la coquille Saint-Jacques. Invité du vent dans les synapses cet après-midi, le biologiste Laurent Chauveau qui vient de publier La coquille Saint-Jacques aux éditions Équateur. Alors on vient d'entendre l'origine du nom de la coquille Saint-Jacques, mais l'intérêt que portent les humains à ce mollusque et plus particulièrement à ces coquilles est bien plus ancien, Laurent Chauveau. Oui, c'est une vraie curiosité et une vraie interrogation, et l'utilisation du symbole de la coquille Saint-Jacques pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle est l'héritage d'un empilement de différentes utilisations symboliques qui commencent dès le néolithique. Mmh. Néandertal s'intéressait à la coquille Saint-Jacques, hein, grâce à des fouilles, on s'est aperçu. Alors, c'était les coquilles, on ne sait pas vraiment si ils connaissaient le mollusque qui était à l'intérieur, mais c'était les coquilles dont ils se servaient comme récipient, notamment. Ils s'en servaient comme outil, parce qu'on a quelques ocres, des coquilles Saint-Jacques contenant des ocres, et puis ils s'en servaient comme pendentif, comme symbole au moment de quelques sépultures. On trouve sur quelques îlots bretons, à Watt ou sur l'île de Teviec, des sépultures où, effectivement, des hommes sont enterrés avec des coquilles Saint-Jacques. Ouais. Donc ça a une valeur, hein, ces coquilles Saint-Jacques. Dans l'Antiquité, vous le disiez, hein, comme un talisman, on les perçoit comme un talisman, ces coquilles. Et puis alors, les archéologues ont aussi la preuve que l'on mangeait déjà des coquilles Saint-Jacques au Moyen-Âge, dans la rade de Brest en tout cas. Oui, à Landévennec, on trouve dans les poubelles de l'abbaye de Landévennec, avec des relations aux invasions vikings qui avaient la fâcheuse tendance de mettre le feu aux bâtiments qu'ils attaquaient, on trouve dans les poubelles enfouies sous les décombres d'anciens bâtiments de l'abbaye de Landévennec des coquilles Saint-Jacques qui étaient mangées. C'est, on parle bien des poubelles, ouais, donc ouais. À côté de quelques os de poulet et de quelques pommes à l'état de trognon, on trouve des coquilles Saint-Jacques. Ouais, alors voilà qui ouvre quelques perspectives, hein. Vous nous avez expliqué dans le début de cette émission que les coquilles Saint-Jacques enregistrent les conditions environnementales dans lesquelles elles se développent. Alors, puisque nos ancêtres nous ont laissé des coquilles Saint-Jacques de leur époque, on sait dans quelles conditions ils ont évolué. On peut avoir une idée de la température qu'ils faisaient, par exemple. Évidemment, on ouvre une petite fenêtre temporelle qui correspond à la durée de vie de cette coquille Saint-Jacques et on fournit la température de l'eau tous les jours au 11e siècle ou il y a 6000 ans. Ça, c'est évidemment, vous imaginez, quelque chose de très amusant à faire puisque vous êtes en train de mettre les yeux ou de mesurer là où personne n'avait encore inventé un thermomètre où on ne peut pas regarder. Hein. On met les yeux là où on ne peut pas regarder. Et plus intéressant, les archéologues nous posent des questions sur la saisonnalité de ces pêches. Quand est-ce qu'on a eu des pratiques régulières où des hommes ont eu besoin d'ingérer des protéines venant de la mer, et ça correspond à des efforts de sédentarisation. Donc les coquilles Saint-Jacques, comme elles enregistrent la température de l'eau de mer, on est capable de dire à quel moment de l'année elles étaient pêchées, plutôt au printemps, plutôt à l'automne, plutôt au mois d'octobre, si vous voulez, vous avez l'information à une précision qui est complètement hallucinante. Et donc, vous avez des informations à fournir à une communauté d'archéologues. Ouais. Alors, il y a un paradoxe quand même avec ces coquilles Saint-Jacques. Elles sont à la fois très fragiles et sensibles à leur environnement. Vous nous dites dans votre livre que c'est la véritable princesse au petit pois, cette coquille Saint-Jacques. Il faut que l'eau soit ni trop salée, ni pas assez, qu'il n'y ait pas trop de courant, que ce soit pas trop profond. Enfin, plein d'exigences. Et pourtant, cette coquille Saint-Jacques semble avoir traversé les âges et les époques. C'est vrai, il y a un vrai paradoxe avec ça. Une coquille Saint-Jacques ne supporte très très mal les dessalures, vous avez raison. On l'a dit tout à l'heure, supporte très très mal des températures inférieures à 4 ou 5 degrés. Elle a une vraie sensibilité à l'hypoxie et à l'anoxie, une sensibilité au bloom toxique. Si du phytoplancton est toxique, elle arrête complètement sa croissance. Mais elle est très largement répandue, répartie depuis le Maroc jusqu'au nord de la Norvège, depuis la zone intertidale, là où pêchaient les moines de l'abbaye de Landévennec. Quand vous rentrez en rade de Brest, il y a des coquilles Saint-Jacques à marée basse, de cette profondeur-là jusqu'à 200-250 mètres de profondeur. Elles sont apparues quand sur Terre, les coquilles 25 millions d'années pour l'espèce que l'on connaît. Ouais. Et elles ont beaucoup voyagé depuis. Oui, elles ont beaucoup voyagé, toute une odyssée avec deux grandes théories, mais retenez quand même que les coquilles Saint-Jacques apparaissent dans l'est de l'actuelle Afrique, vous voyez, et avec une colonisation progressive de la mer Méditerranée, puis ce qui deviendra la côte ouest de l'Europe. Mais les coquilles, c'est la même famille que la coquille Saint-Jacques que vous mangez, a bien atteint la Tasmanie, l'Australie, une partie du Japon, et même colonise l'ouest de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud. Il y a un superbe animal qui ressemble au nôtre, qui est tout blanc, magnifique, qui vit le long des côtes sud-africaines. Alors on ne trouve pas de coquille Saint-Jacques en Antarctique, pourtant votre curiosité et votre passion vous ont conduit jusqu'en Antarctique. Laurent Chauveau. On plonge un bon 30 minutes. Ouais, entre 30 et 45 minutes. On va chercher les vétons. On va faire des photographies de la faune et de la flore. Et puis on rentre. On va sous les petits icebergs que vous voyez là-bas. Là. Absolument superbe sous l'eau. Alors, on les a vus hier, on y retourne aujourd'hui parce qu'il y a du soleil. Hier, il neigeait. Bon, et alors là, de la chance aujourd'hui, on aura un peu plus de lumière pour faire les photos sous l'eau. Sur Terre, ici, c'est de la glace, de la roche, des oiseaux, peu de végétation, hein, quelques petites mousses et lichens. Mais sous l'eau, c'est luxuriant, c'est comparable à un récif corallien. En termes de couleurs, en termes de biodiversité, c'est exceptionnellement coloré. Extrait du documentaire « Moins de degrés sous la glace » produit par CNRS Images. Voilà qui doit vous rappeler quelques souvenirs, Laurent Chauveau. Vous étiez avec Erwan Amis, plongeur et photographe au CNRS. Vous étiez en train de plonger tous les deux dans ce décor assez incroyable. Ça, si la coquille Saint-Jacques est une aventure, les plongées en Antarctique, c'est la planète Mars. Hein. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. En plus, plonger avec Erwan Amis, c'est un vrai bonheur. Et on a fait 300 plongées tous les deux sous la glace de l'Antarctique. Décrivez-nous ce lieu où vous avez fait donc ces plongées, déjà sous une eau, dans une eau à moins 1,8 degré, parce que comme elle est salée, évidemment, elle ne gèle pas à cette température-là. Vous écrivez dans votre livre « Je me sens incapable d'exprimer la beauté de ce que j'ai vu, et pourtant je réalise combien je suis dépendant de cette beauté, comme on le serait d'une drogue hallucinogène. » Ouais, je pense que clairement la plongée en Antarctique, l'Antarctique déjà, puis la plongée en Antarctique devient est addictive. C'est quelque chose de la poésie est tellement absolue, l'esthétique est tellement dingue et les sensations sont tellement vous submergent tellement que finalement il est difficile de s'en séparer, il est difficile de l'oublier et surtout il est pour un scientifique un peu dressé à ne pas parler de ses émotions lorsqu'on parle de science. Il est difficile de parler de ses émotions. Le retour a été une vraie épreuve, quoi. Ouais. Ah bah ici vous êtes autorisé hein, à parler de vos émotions. Allez-y sans crainte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Antarctique, si on sort la tête de l'eau, on voit du blanc, quelques cailloux, de la vague végétation éventuellement. Et sous l'eau, par contre, il y a une biodiversité importante. C'est une biodiversité importante. Deux, Erwan Lamisse, vous le disiez tout à l'heure, vous avez ces sensations de froid et de danger qu'il faut d'abord apprivoiser. Et puis, effectivement, vous arrivez par 4-5 mètres de fond, la glace a broyé absolument toute trace de vie. Il reste que quelques cyanobactéries, quelques algues filamenteuses. Mais en dessous de cette profondeur où les icebergs viennent frapper la roche, apparaissent effectivement un grand ensemble, enfin une biodiversité dingue. Mais ce qui est surtout fou pour un biologiste, c'est des formes animales que vous avez pas l'habitude de voir. Donc là coexistent une dizaine d'espèces de pycnogonides, des formes d'araignées ou d'arthropodes avec des pattes immenses qui font du gigantisme. Quand ils font un centimètre en Bretagne, voilà, vous êtes en face de vous se baladent des bestioles qui font 20-30 centimètres. Ouais. Les éponges sont grandes comme des ballons de foot et ouais, vous avez des animaux luxuriants. Ouais. Alors, vous avez pas de coquille Saint-Jacques, mais il y a quand même des coquilles et notamment un pétoncle de l'Antarctique. Oui. Alors là, vous vous êtes dit, peut-être que ce que j'ai réussi à faire avec la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire lire la coquille pour avoir des traces de l'environnement passé, je peux le faire avec ce pétoncle de l'Antarctique. Et ça marche. Hein. Bon, déjà, on peut affirmer que ça fonctionne. Et oui, et l'idée peut être un peu saugrenue, mais une fois que vous êtes capable de faire ça en Bretagne et que vous êtes capable de lire des coquilles Saint-Jacques et de leur faire raconter le passé et construire le fonctionnement d'écosystèmes en les étudiant, à l'échelle de la façade atlantique, vous dites, je peux le faire sous les tropiques. On l'a fait en Nouvelle-Calédonie et une fois que vous êtes capable de le faire sous les tropiques et en milieu tempéré, évidemment, c'est très tentant de dire pouvons-nous décrire le changement climatique ou l'impact du changement climatique sous la glace de l'Antarctique avec quelque chose qui ressemble fortement à une coquille Saint-Jacques, qui est un pétoncle, hein, c'est la même famille. Hein. C'est la même famille, avec une règle du jeu de l'enregistreur un peu différente, puisque lui, il ne fait pas une strie tous les jours, mais tous les 15 jours. Oui, bon, voilà, donc il faut apprendre à utiliser l'enregistreur pour ce qu'il est. C'est ça. Et finalement, en changeant d'espèce de façon systématique, on a appris à recalibrer, à relire comme on passe du 33 tours au 45 tours. C'est ça. Le nombre de micro-sillons visibles sur le disque est variable. Mais l'avantage aussi, c'est que autant la durée de vie des coquilles Saint-Jacques est assez restreinte, là vous avez des coquilles qui vivent beaucoup plus longtemps, donc ça vous donne des perspectives plus longues. Voilà, et vous voyez, c'est des tout petits progrès, même en termes d'idées, ce qui a émergé de nos travaux en Antarctique, c'est cette idée de OK, continuons à travailler sur les pétoncles et les coquilles Saint-Jacques. À côté de ces animaux, peut-être pouvons-nous trouver des animaux qui vivent plus longtemps qu'eux. Mmh. Et jouons sur le choix des espèces avec des enregistrements longs, basse fréquence et des enregistrements très très haute fréquence, mais sur une petite dizaine d'années. Ouais. Et cette idée-là est née sous la banquise de la base de Dumont-d'Urville. Les enregistrements de plus longue durée, vous arrivez avec des animaux qui ont une durée de vie de combien de temps? Alors, revenant d'Antarctique, on a décidé d'aller étudier les pétoncles de l'Arctique. Et les pétoncles de l'Arctique vivent un peu plus longtemps et surtout à côté d'eux vit un animal qui a un joli nom, qui s'appelle une astarte, qui est un petit bivalve qui lui atteint une centaine d'années. Ouais. Et on venait de franchir un pas vers le siècle, un siècle d'enregistrement quand on parle de changement climatique et de son impact dans les systèmes polaires. Ça commence à être extrêmement intéressant. Ouais. Ouais. Et le bonheur fait que on a découvert qu'il y avait à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des eaux froides, quand vous êtes à 40 mètres de profondeur à Saint-Pierre-et-Miquelon, il fait réellement froid et là vivent des animaux polaires qui ressemblent aux animaux du Groenland, dont un animal qui s'appelle Artica islandica, qui a un joli nom également, et qui lui, par bonheur, vit plus de 500 ans. 500 ans. On a cette fois-ci une archive des conditions environnementales sur 500 ans. Oui, en un échantillon, vous récupérez un enregistrement de 500 ans et on sait lire ces enregistrements. C'est ça qui est la plus grande fierté du groupe. Ouais, hein. Mais c'est incroyable hein, quand on se rappelle d'où vous êtes parti en étudiant ces coquilles Saint-Jacques en rade de Brest. Alors en étudiant le passé climatique, en vous rendant en Arctique et en Antarctique, vous avez ressenti l'urgence climatique et vous êtes ami avec le chanteur Christophe Miossec. Et suite à une discussion avec lui, sur justement ses préoccupations, ça a fait naître une chanson. Oui. Oui, et je peux témoigner d'une période assez trouble où j'avais des difficultés avec cette énergie que nous avions posée dans la description de catastrophes en cours et de fonctionnement d'écosystèmes polaires très perturbés. Et je commençais à avoir des sérieux doutes sur l'utilité de nos travaux. Vous voyez. Mmh. Et c'est la période où Nicolas Hulot, dans ses studios, démissionne. Toute chose étant égale par ailleurs, je me compare pas du tout à Nicolas Hulot, mais je devais être à peu près dans le même état d'esprit, un peu désespéré sur notre capacité à changer les choses, et c'est ce que j'ai proposé à Christophe Miossec, une discussion sur finalement rendons sensibles des graphiques, des choses très cartésiennes, très orthonormées. Manifestement, on n'arrive pas à en parler, ou alors le public réussit pas à s'approprier cette urgence et cette catastrophe. Transformons la catastrophe en beauté et rendons sensibles les résultats scientifiques. Ça a donné la chanson « Nous sommes ». On l'écoute. On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps, même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de chanson née de la rencontre entre un chanteur, compositeur, Miossec, et un scientifique, notre invité, Laurent Chauveau. Vous voulez ajouter un mot sur cette chanson et cette rencontre? Je trouve que cette chanson met en lumière le fait que la ville de Brest est une ville où il est possible pour un scientifique de rencontrer simplement un chanteur nationalement connu. Et c'est la ville des transgressions, c'est la ville où il est possible d'inventer et de construire entre les disciplines. Et dans votre ouvrage, on sent que vous avez ce goût pour la musique, puisque à chaque découverte, vous dites ce que vous écoutiez à ce moment-là, ça vous replonge dans le moment. Cet ouvrage, il est donc à découvrir aux éditions Équateur. Il s'intitule « La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan ». C'est très agréable à lire sur le parcours d'un chercheur et comment les découvertes se font parfois par hasard au gré des passions. Ouais. Un grand merci à vous, Laurent Chauveau, et bon retour à Brest. Merci beaucoup. Et maintenant, place à la revue d'actu. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Et viennent de nous rejoindre pour la revue d'actu des sciences, Mathilde Fontaise de Science et Vie et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Au centre spatial de Kourou, la tension est à son comble. Des années de travail se jouent durant ces ultimes secondes. Confirmation de la séparation de la chambre. Et enfin la décompression, la joie. Il est 12h17, heure suisse, le satellite Khéops est largué comme prévu sur son orbite. On a été envoyé dans la bonne orbite, il n'y a même pas eu besoin de faire quelque correction que ce soit sur l'orbite elle-même. On a même reçu les premières données du satellite, des mesures de température du télescope et puis les mesures des voltages de l'électronique. Donc vraiment, c'était absolument parfait. La voix de Willy Benz, astrophysicien suisse, responsable de la mission Khéops, est visiblement très satisfait du lancement de son nouveau télescope spatial mercredi dernier, Mathilde Fontaise. Oui, il s'agit d'un télescope qui va caractériser les exoplanètes en mesurant l'infime baisse de lumière quand la planète passe devant son étoile. Il s'agit d'une infime baisse de lumière qui représente seulement 0,0015%. Donc il faut s'imaginer que, par exemple, si un extraterrestre regardait notre étoile à nous, le Soleil, eh bien il devrait détecter pour voir la Terre, une baisse de 0,01%. Donc c'est une baisse encore plus faible que va détecter Khéops. Ceci pour une seule chose, une seule mesure, mais très importante, celle de mesurer le rayon de ces exoplanètes. Parce qu'en fait, parmi les plus de 4000 exoplanètes qu'on a découvertes en dehors de notre système, il y en a très peu pour lesquelles on connaît le rayon. La plupart, on connaît seulement leur masse. C'est-à-dire qu'on a pu, par des techniques un peu sophistiquées, déterminer la masse de ces planètes, mais grâce à ce nouveau satellite, on va connaître le rayon de ces planètes. Et qu'est-ce que ça va apporter de plus ? En fait, ça va permettre d'avoir accès à la densité de ces planètes, puisque quand on a la masse et quand on a le rayon, on peut avoir la densité et donc on a accès à la composition de ces planètes. Ça veut dire aussi pouvoir faire des typologies, savoir si ces planètes vont pouvoir être des planètes telluriques comme la Terre. C'est-à-dire rocheuses, ou bien des planètes gazeuses comme Jupiter ou comme Saturne, ou plus faiblement des planètes comme Neptune ou comme Uranus. Parce qu'en fait, les astrophysiciens, parmi leurs collecte énorme d'exoplanètes, ont découvert énormément d'exoplanètes qui sont situées, en termes de masse, entre Jupiter et Saturne, et entre Uranus et Neptune d'un côté, qui sont des gazeuses, et la Terre et Mars de l'autre. Donc en fait, un type de planète comme ça, intermédiaire. Donc ces planètes qui se trouvent très loin, loin de notre système solaire, seraient des planètes d'un nouveau type ? Ça pourrait être un nouveau type. Jusque-là, les astrophysiciens n'ont pas réussi, justement à cause du manque de cette mesure du rayon et de la masse simultanée qui donne la densité. Les astrophysiciens n'ont pas réussi à dire s'il s'agit de planètes donc vraiment comme Neptune, avec une grosse enveloppe gazeuse, ou s'il s'agit de planètes rocheuses. Alors, ils les appellent planètes océans, parfois. Ils les appellent super-terres d'autrefois. Mmh. Et ce sont les mêmes planètes dont on parle. Donc, on voit bien que la confusion linguistique, quelque part, dans l'appellation de ces nouveaux astres, montre bien une confusion théorique qui pourrait être résolue par ce nouveau télescope qui va donc cibler des exoplanètes qu'on connaît déjà. Il y a déjà 300 cibles qui ont été désignées en fait pour ce télescope et qui va pouvoir du coup caractériser vraiment la masse et donc accéder à la densité et au type. Avec ce télescope, on n'en est plus à essayer de découvrir de nouvelles exoplanètes, mais simplement de commencer à préciser ce qu'elles ont dans le ventre, ces planètes. Oui, on en est vraiment là. Il s'agit, on est sorti vraiment de l'ère de la collection de timbres dans laquelle on était jusque-là pour arriver à des mesures très précises et qui sont les mesures précurseurs à celles qui vont après être menées par des télescopes comme JWST, le successeur de Hubble, qui va s'envoler en 2021 et qui va là permettre carrément de caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes. Et pour Khéops, les premiers résultats sont attendus pour quand ? Ça va arriver très vite, il va commencer à observer. Après, on sait très bien qu'il y a un temps de digestion de ces données par la communauté scientifique. Affaire à suivre donc. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette nouvelle édition spéciale, l'aggravation de la crise nucléaire au Japon. Cette fois, le caisson de protection d'un des réacteurs est endommagé. L'enceinte n'est plus étanche selon l'autorité française de sûreté nucléaire. La zone de protection est élargie. À Tokyo, des habitants commencent à fuir la ville vers le sud. Les Français quittent le pays. La centrale est-elle hors de contrôle ? Extrait du 20h de France 2 du 15 mars 2011. La situation à Fukushima ne cessait d'empirer. Sophie Becherel, plus de 8 ans et demi après, une synthèse sur la décontamination des sols a été publiée il y a quelques jours et le bilan est mitigé. Oui, c'est à la fois un succès, là où la décontamination a été menée, et un échec, là où elle n'a pas pu avoir lieu, c'est-à-dire les trois quarts du territoire couvert de forêts. En fait, très vite après la catastrophe, les autorités ont décidé de décaper les sols qui avaient reçu des retombées radioactives en prévision du retour des habitants. Ça a été une opération de très grande envergure qui a consisté à retirer les 5 premiers centimètres de terre. Cela a été fait dans les champs cultivés, 20 mètres autour des habitations et sur le bord des routes, au total 9000 km². Et selon la synthèse qui prend en compte 60 études réalisées depuis l'accident de la centrale, cette décontamination a fait disparaître 80% du césium-137. C'est donc un succès, on peut dire. Pourquoi on a choisi le césium-137? Eh bien parce que cet élément radioactif a une demi-vie de 30 ans, ce qui le rend durable et donc hautement dangereux. Ça veut dire qu'il perd naturellement sa radioactivité tous les 30 ans. Et il aurait fallu, selon les experts, 300 ans avant d'envisager le retour des populations évacuées. Cette stratégie du décapage s'avère donc efficace, Sophie. Oui, je vous le disais, 80% de césium-137 en moins, on peut dire que c'est un succès. Le riz, par exemple, est désormais consommable. On est sous le seuil limite fixé par les autorités sanitaires en termes de radioactivité, sauf qu'il est impossible de tout décaper. Cette région est couverte aux trois quarts par de la forêt. Évidemment, sauf à tout raser, on n'y arrivera pas. Pour les habitants, la menace persiste donc. Ouais. Donc dans les arbres, en fait. C'est là où exactement, la radioactivité... Exactement, c'est dans les arbres. Exactement. Et ça pose un problème à cause du ruissellement. C'est-à-dire, le Japon étant un pays où il y a à peu près deux fois par an un typhon, l'eau de pluie risque de rincer, on va dire, les branches d'arbres. Et on va retrouver cette eau radioactive peut-être dans les sols, à nouveau, les routes, les habitants. Et la terre qui a été décapée, qu'en a-t-on fait ? C'est ce que souligne cette étude. Le stockage de cette terre contaminée pose un problème. D'abord, il y en a énormément, 20 millions de mètres cubes de déchets. Ces sacs ne sont pas toujours très bien entreposés. Les Japonais disent qu'autour de Fukushima, on les voit dans des conditions plus ou moins sérieuses. Et ces déchets, il est prévu de les incinérer dans des usines spécifiques et d'isoler les éléments radioactifs pour plus tard les entreposer dans un lieu qui n'a pas encore été défini. En ce moment, c'est deux villes autour de Fukushima où les habitants ne reviendront pas tant elles sont contaminées, mais la décision n'est pas finie. Et donc, il y a cette épineuse question du ruissellement que reconnaît d'ailleurs l'un des chercheurs français du commissariat à l'énergie atomique qui a participé à cette étude, Olivier Evrard. Je vous parlais du problème des typhons. Récemment, plusieurs dizaines de sacs se sont retrouvés dans une rivière. Donc, voilà, il a été décidé de poursuivre le suivi de ce césium-137 dans les années à venir. Ouais. Ça a coûté cher, tout ce travail de décontamination ? Extrêmement cher, 24 milliards de dollars, c'est une somme faramineuse. Les antinucléaires japonais estiment d'ailleurs qu'il aurait mieux valu consacrer cet argent aux personnes évacuées, soit pour les reloger ailleurs définitivement, soit pour leur accorder un suivi sanitaire plus long dans le temps que ce qui n'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, 20% seulement de la population est revenue et la moyenne d'âge est de 70 ans chez ces Japonais qui sont revenus. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Mathilde Fontaise, une étude sur la durée théorique de la vie humaine. Oui, alors on sait qu'il est difficile d'évaluer la longévité théorique, hein, donc c'est la longévité quand tout se passe bien, quand il n'y a pas d'accident, quand il n'y a pas de maladies rares particulières. Des animaux, alors des animaux en général, en captivité c'est difficile puisque ça modifie tout à fait leur durée de vie et puis on peut faire un travail que sur des petits groupes. Mais depuis quelques années déjà, les chercheurs ont trouvé une sorte de marqueur sur notre ADN qui pourrait être associé, hein, le lien n'est pas direct, avec la longévité. Et une étude vient d'être menée chez 252 vertébrés en étudiant la méthylation de l'ADN de ces vertébrés, c'est-à-dire en fait quelque part la modification de l'ADN au cours de la vie. Et a pu, comme ça, donner une longévité théorique pour toutes ces espèces. Mmh. Et donc la comparaison est amusante. Donc pour l'homme, c'est 37 ans seulement, 37 ans de longévité théorique. Et ça correspond en fait exactement avec les résultats des études anthropologiques typologique chez les premiers hommes. Donc on a là comme une espèce de marqueur finalement de notre longévité ancestrale quelque part, avant les modifications, l'adaptation du mode de vie, etc. Et c'est évidemment bien loin des plus gros mammifères terrestres que sont les baleines boréales qui peuvent vivre 268 ans de longévité théorique, ou les mammouths 60 ans, qui sont d'ailleurs similaires aux éléphants, ou aux dragons komodo 48 ans par exemple. Bon, j'ai dépassé la durée de vie théorique humaine, voilà une triste révélation. Pour vous Sophie, l'info à retenir en bref, c'est un tour de force, avoir réussi à extraire de l'ADN humain d'un chewing-gum vieux de 5700 ans. Exactement, la pâte à mâcher, ce n'est ni Hollywood, ni Fridan, ni même ni Corrette qui l'ont inventé. On a fait suffisamment de marques pour que ça passe. Ce sont les hommes préhistoriques. Les archéologues savaient déjà qu'il y a 200 000 ans, Néandertal utilisait l'écorce de bouleau pour en faire du brai, une matière visqueuse et collante. Elle servait à faire des outils, notamment attacher des silex à un manche en bois, par exemple. Mais dans le sud du Danemark, sur le site de Siltholm, un morceau de brai très noir a été analysé et les chercheurs y ont trouvé de l'ADN. Et c'est la première fois qu'on en trouve sur un reste qui n'est ni de l'os, ni des dents. Alors, cet ADN a bien sûr été analysé. Il montre qu'il appartient à une femme avec un portrait robot. Elle avait les yeux bleus, sa peau et ses cheveux étaient foncés. Les généticiens de l'Université de Copenhague l'ont baptisée Lola et son patrimoine génétique nous dit qu'elle est proche, ou qu'elle était proche des chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest et qu'elle avait mangé, figurez-vous, en dernier repas, du canard et des noisettes. Voilà, il y avait aussi dans cet ADN des microbes et du virus Epstein-Barr qui est responsable de la mononucléose infectieuse. Voilà, c'est quand même un tour de force. Autant d'ADN dans un petit morceau de chewing-gum. C'est ça, autant d'informations dans un chewing-gum. À découvrir dans Science et Vie ce mois-ci, Mathilde Fontaise. On a vu rien de moins que la naissance du temps. Il s'agit d'un phénomène qui a précédé la thermalisation, en fait, les effets thermiques tout au début de l'univers. Ah bah oui, c'est prometteur. Merci Mathilde et Sophie, et à très bientôt. Et joyeuses fêtes Sophie et Mathilde. Bonne fête Daniel. En deuxième heure, nous partons avec l'architecte passionné de nature, Nicolas Gilsoul, à la découverte des animaux sauvages qui ont élu domicile dans les grandes villes du monde. Des sangliers à Berlin, des kangourous à Canberra, mais encore des coyotes à Chicago. Nous allons voir comment cette faune s'est adaptée à nos cités. Afraid of anything I do. How won't you hear? You don't know what it's like to be around you. I still got my fear. It's a way you say yes when I ask you to marry me. Needing to tell me you want me as much as I want you to. C'était Oblivion de The National sur France Inter et les villes, nouveau refuge pour la faune sauvage. Ce sera le thème de notre deuxième heure juste après le flash. À tout de suite.